Kim Sun-kyung, chef du département européen numéro 2 du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, a reçu en audience le 17 avril l'éditeur des nouvelles extérieures de la télévision française TF1, Scott Mitchell, pour l'informer de la position de notre République sur la situation de la péninsule coréenne. Il a dit notamment « Au fort des manœuvres conjointes d'envergure sans précédent dans l'histoire avec d'énormes biens stratégiques, les États-Unis lancent de nouveau la flottille de porte-avions nucléaires dans les parages de la péninsule coréenne, ce qui pousse la situation de la péninsule coréenne au bord d'un conflit. Face aux diktats des États-Unis, notre République maintient la position de principe de défendre la paix et la sécurité nationale et de sauvegarder la paix et la stabilité mondiale de ses propres forces. »